Théorie de Kant sur la religion dans les limites de la raison. Édition Charles Savy, 1842. Markendanarchiv.org 2021, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique. Introduction par Francis Bouillet. Le livre que nous publions est un abrégé de l'ouvrage de Kant, qui a pour titre « De la religion dans les limites de la raison ». Cet abrégé est généralement attribué à Kant lui-même, cependant comme la bonne foi de l'éditeur qui l'a donné sous le nom de Kant était un peu suspecte en Allemagne, il demeure à ce sujet quelques doutes que nous n'avons pu dissiper. Ce qu'il y a de certain et ce qui importe avant tout, c'est que cet abrégé est parfaitement exact. L'exactitude y est poussée à tel point que le plus souvent il est composé avec les phrases mêmes du grand ouvrage, sur lequel il a l'avantage de la clarté. Il a été imprimé pour la première fois à Riga, en 1796, c'est-à-dire après la seconde édition de La religion dans les limites de la raison. Mettre à la portée de tout le monde les principes moraux et religieux contenus dans ce petit abrégé, tel est l'unique but de cette préface. Il faut d'abord tenir compte de l'époque à laquelle Kant a publié ses principes pour apprécier d'une part le courage du philosophe, de l'autre, certains des caractères de son œuvre. Le grand Frédéric n'était plus, et sous son successeur, Frédéric Guillaume II, une réaction avait été tentée contre ce hardi rationalisme que le roi philosophe avait développé par ses encouragements et par son exemple. L'édit de religion de 1788 fut le fruit de cette réaction. Le but de cet édit était de défendre l'orthodoxie protestante contre les attaques et les interprétations non moins téméraires du rationalisme. C'est pendant le cours de cette réaction et sous l'empire de cet édit de religion que Kant publia son ouvrage de la religion dans les limites de la raison. Et voilà peut-être la raison pour laquelle il a été obligé de voiler quelquefois un peu sa pensée sous des formes bibliques. Note. L'édit de 1788 fut aboli en 1798 par le successeur de Frédéric Guillaume II, dans l'ordonnance remarquable qui rapporte cet édit de religion, il est dit, que la raison et la philosophie doivent être les compagnes inséparables de la religion, et qu'il ne faut pas de loi de contrainte pour maintenir la vraie religion. Fin de la note. Néanmoins, cette pensée était encore trop transparente pour ne pas alarmer l'orthodoxie protestante. La censure de Berlin s'en mêla, le roi lui-même intervint, et la tranquillité du philosophe fut pendant quelque temps sérieusement menacée. Kant supporta cette épreuve avec fermeté et dignité, il se refusa à toute rétractation et soutint constamment qu'il était dans son droit de citoyen et de professeur de philosophie. Tout ce qu'on put obtenir de lui, c'est que jusqu'à la fin du règne, il n'écrirait plus rien sur la religion. Ainsi, quoique, sans remonter jusqu'au traité théologico-politique de Spinoza, cette invasion hardie du rationalisme dans la religion ne manqua pas d'antécédents, et parmi ces antécédents on peut placer la publication des fragments d'un inconnu, par Lessing, en 1770, et la vive et spirituelle polémique qui s'ensuivit. Néanmoins, les circonstances particulières au milieu desquelles Kant renouvela cette tentative, lui donnent à nos yeux un certain mérite d'indépendance et de courage. Faire dériver la religion de la raison, soumettre à une interprétation rationaliste tous les dogmes et les mystères du christianisme, telle est la prétention de Kant. Prétention indiquée par le titre même de l'ouvrage, dont nous donnons l'abrégé, de la religion dans les limites de la raison. Mais Kant soumet cette interprétation à ses principes métaphysiques, et la religion dans les limites de la raison se trouve en un certain rapport avec la critique de la raison pure. Voici quel est ce rapport. Notre intelligence ne peut rien voir, rien connaître, si ce n'est au travers des lois et des formes qui lui sont propres. Elle ne peut par conséquent rien affirmer sur ce que les choses sont en elles-mêmes, mais seulement sur ce qu'elles sont par rapport à nous. Elle ne peut saisir des réalités, mais seulement des phénomènes et des apparences. Elle n'a qu'une valeur subjective et point de valeur objective. Telle est la conclusion suprême de la critique de la raison pure. Kant est conséquent avec son principe jusqu'à la négation de l'existence de Dieu. La raison pure, soit par la voie empirique, soit par la voie ontologique, déploie, selon lui, vainement ses ailes pour s'élever jusqu'à Dieu. Il y a bien en nous l'idée de Dieu, mais cette idée n'a qu'une valeur régulatrice. Elle ne vaut que comme une règle excellente propre à nous diriger dans l'investigation des phénomènes en nous forçant à les rapporter à la plus haute unité possible. Mais elle n'a aucune valeur objective, c'est-à-dire que notre intelligence est dans l'impuissance absolue de s'assurer que cette idée correspond à une réalité. Mais Kant ne persévère pas jusqu'au bout dans ce triste scepticisme. Et s'il est sceptique en métaphysique, il n'est pas sceptique en morale. En effet, cette valeur objective qu'il nie à la raison pure, il l'accorde à la raison pratique par une contradiction dont il faut lui savoir gré, car c'est à cette contradiction que nous sommes redevables du système de morale le plus vrai et le plus pur qui produit la philosophie moderne. Sur l'autorité de la raison pratique, c'est-à-dire de la loi morale, il rétablit ces grandes vérités de l'existence de la liberté, de l'existence de Dieu, de la vie à venir, qu'il a ébranlées dans la critique de la raison pure. Il y a, dit Kant, au-dedans de nous un précepte obligatoire, un impératif catégorique qui nous prescrit d'agir de telle ou telle façon, donc il faut que nous soyons libres. Je dois, donc je puis, donc je suis libre. Cette même loi nous prescrit certains actes pour la réaliser au dehors de nous, donc le monde existe. Enfin, cette même loi suppose un législateur. Et un législateur qui établisse l'accord nécessaire que notre raison conçoit a priori devoir exister entre le bonheur et l'accomplissement de cette loi, dont Dieu existe. Ainsi, selon Kant, c'est uniquement comme législateur moral que la raison conçoit Dieu, puisque c'est uniquement par la loi morale qu'elle peut s'élever jusqu'à lui. C'est dans ce point de vue, c'est dans la pratique de la loi morale et dans le rapport de cette loi avec son divin législateur que Kant fait consister toute la religion rationnelle. Or, nous qui ne croyons pas seulement à l'objectivité de la loi morale, mais aussi à l'objectivité de toutes les notions de la raison, nous croyons que l'attribut de législateur moral n'est pas le seul sous lequel il nous soit donné de concevoir la nature divine, nous croyons à la possibilité d'une détermination plus complète de la nature et des attributs de Dieu, de la nature et de la destinée de l'homme, détermination qui est l'essence même de toute religion. Kant a ainsi été conduit par son système philosophique à n'envisager Dieu que comme législateur moral et l'homme comme sujet de cette loi. C'est donc à peu près uniquement par le côté pratique qu'il a considéré la religion. Mais si Kant, placé sous l'influence de la critique de la raison pure, n'a pas embrassé tous les éléments qui entrent dans la conception d'une religion, Il a admirablement approfondi et développé celui de tout ce qui intéresse au plus haut degré l'universalité des hommes, l'élément moral et pratique. Sous ce point de vue, le livre que nous publions est plein de vérités fortes et fécondes. Il attaque et détruit toute superstition dans son principe, il fortifie dans les âmes le sentiment du devoir en le dégageant de tout alliage impur, en le rapportant à la source divine d'où il émane. C'est un admirable catéchisme de morale, mais ce catéchisme, dira-t-on, ne s'adresse qu'à ceux qui sont initiés à la philosophie de Kant. Il est vrai, ainsi que je l'ai montré, qu'il est en un certain rapport avec la critique de la raison pure, mais néanmoins il est intelligible par lui-même, et ce que Kant répond à cette objection dans la seconde préface de son ouvrage, nous pouvons le dire à plus forte raison de l'abrégé qu'il emporte de beaucoup par la précision et la clarté sur l'ouvrage lui-même. Pour connaître ce livre dans son contenu essentiel, il ne faut que la morale commune, sans entrer dans la critique de la raison pratique, encore moins dans la critique de la raison pure, si, par exemple, on y nomme virtus phénoménon celle vertu qui consiste à conformer ses actions au devoir seulement par égard pour la légalité, et virtus noumenon cette autre vertu qui consiste dans la volonté persévérante d'accomplir les mêmes actions uniquement en vue de leur moralité, c'est simplement pour se conformer à la langue de l'école. Mais la chose qui est ainsi exprimée est contenue dans l'instruction donnée aux enfants ou dans le sermon le plus populaire, et quoique sous d'autres termes, elle est facile à comprendre. Que ne peut-on dire la même chose des mystères de la nature divine compris dans la dogmatique, qui sont introduits dans les catéchismes, comme s'ils étaient tout à fait populaires? La première question que traite Kant est celle de l'origine du mal. À voir le titre de cette première partie, l'homme est méchant par nature, il y a en lui un principe du mal, on pourrait croire que Kant considère l'homme comme naturellement pervers, et place l'origine du mal en dehors de la volonté de l'individu, dans un héritage fatal transmis de génération en génération. Il n'en est rien cependant, et bien au contraire, c'est uniquement dans la volonté de l'individu qu'il place la source première du mal. Le principe du mal ne peut être, selon lui, ni dans les tendances de la sensibilité, ni dans la raison. Comment serait-il dans les tendances primitives de la sensibilité, puisque ces tendances ne viennent pas de nous, mais de notre nature qui est l'ouvrage de Dieu? Comment serait-il dans la raison, puisque la raison nous prescrit le bien, nous le montre comme obligatoire et nous l'impose comme un motif se suffisant à lui-même? Si la raison était pervertie, si, au lieu de nous prescrire le bien, elle prescrivait ou même permettait le mal, alors il n'y aurait plus de place pour le bien dans l'homme. Alors, selon l'énergique expression de Kant, l'homme serait un être diabolique. D'où vient donc le mal? Il vient des rapports de la liberté avec la loi morale. En vertu de notre liberté, nous bouleversons l'ordre naturel de nos motifs d'action, nous subordonnons la loi morale, motif suprême, à d'autres motifs. Voilà en quoi consiste le mal et voilà quelle est son origine. Mais quelle est donc cette loi suprême, d'où émane-t-elle, quelle en est l'autorité et la valeur? La loi morale, selon Kant, est un idéal que chaque homme porte au-dedans de lui, un type de ce qu'il doit faire pour demeurer ou redevenir juste et saint. Notre conscience nous dit quelles actions sont conformes à cet idéal, et quelles actions lui sont opposées, et en même temps elle nous prescrit les unes et nous défend les autres. Kant, dans sa morale, a ainsi formulé une règle qui ne permet en aucun cas de les confondre. Agis de telle sorte que le motif de ton action puisse toujours être érigé en loi universelle, pour tous les êtres raisonnables. En présence de cette règle, appliquée avec fermeté et bonne foi, se dissipent toutes les incertitudes et toutes les équivoques, toutes les subtilités de la casuistique morale qui est contenue tout entière dans cette régie, comme toutes les règles du syllogisme sont contenues dans cette règle générale, que la conclusion ne doit pas dépasser les prémices. Est-il permis d'agir ainsi? Il n'est pas de sophisme que n'invente l'intérêt et la passion pour vous le persuader, vous balancer incertain, comparer le motif d'après lequel vous voulez agir avec cette règle. Agissez ensuite ou n'agissez pas selon que vous jugerez que ce motif peut ou ne peut pas être converti en maxime générale d'action, et vous pourrez bien errer dans les voies de l'intérêt et de la passion, mais non dans les voies de la justice. En outre, cet idéal qui est en nous, ce n'est pas nous qui en sommes les auteurs, il n'est pas un produit de la nature humaine, il habite en elle, mais il ne vient pas d'elle. Quelle est donc son origine? Selon Kant, il vient de Dieu, il existe en Dieu de toute éternité, et c'est du sein de Dieu dont la moralité sans borne est l'essence même, qu'il descend dans la nature humaine pour la guider et pour la conduire. Il est un reflet de la splendeur divine qui pénètre dans l'âme humaine. Il est le Fils unique de Dieu descendu parmi nous. C'est en lui et par lui que Dieu a aimé le monde. Si Kant s'est trompé sur l'origine et la valeur des autres idées de la raison pure, il ne s'est pas trompé sur la nature et sur l'origine de l'idéal de la justice. Nous ne sommes pas plus mystiques que Kant, et cependant, comme lui, nous croyons que cet idéal vient de Dieu, de cette substance et de cette intelligence infinie avec laquelle nous sommes tous nécessairement en rapport, et nous continuerons à le croire jusqu'au jour où il nous aura été démontré qu'il est l'œuvre de la nature humaine. L'idéal de la justice, fondement de la morale, découle de Dieu, donc il n'y a pas de justice, pas de morale sans Dieu. Sans doute dans l'ordre de la connaissance, l'idée de la justice peut aller sans l'idée de Dieu, mais dans l'ordre de la réalité, ces deux idées sont inséparables. Dans l'ordre de la réalité, il n'y aurait pas plus de morale et de justice sans Dieu, qu'il n'y aurait de lumière si le soleil, foyer de la lumière, venait à être anéanti. C'est par ce point de vue que la morale se rattache à la religion, c'est sur l'idéal de la moralité ainsi considéré que Kant fonde toute sa religion dans les limites de la raison. Toutes les fois que Kant parle de ce divin idéal, son style en même temps que sa pensée s'élève. Il y a deux choses, dit-il, dans la conclusion de la raison pratique qui remplissent mon âme d'un respect et d'une admiration toujours croissant, c'est le ciel étoilé au-dessus de nous, et la loi morale au-dedans de nous. Se conformer à cet idéal, voilà toute la morale et toute la religion. L'homme bon est celui qui adopte cette loi comme maxime suprême et absolue. L'homme mauvais est celui qui la subordonne à un autre motif, par exemple à l'amour de soi. Selon que l'homme est disposé à faire prédominer en toute occasion le motif de la loi morale sur tous les autres ou selon qu'il est disposé à le sacrifier occasionnellement à des motifs inférieurs, il est tout entier bon ou tout entier mauvais. Le mauvais principe est cette tendance de chaque homme à subordonner, par suite de sa liberté, la loi du devoir à ce qui ne doit passer qu'après elle. Cette tendance n'est point un élément essentiel de la nature humaine, mais résultant de sa liberté, Elle se trouve en chaque homme, et c'est en ce sens seulement que Kant affirme que l'homme est mauvais par nature. Tous les éléments essentiels de la nature humaine sont bons, toutes les tendances primitives de la sensibilité considérées en elles-mêmes, non seulement sont irréprochables, mais salutaires et providentielles. Tout le mal est dans la direction que leur imprime notre liberté. Nous sommes de l'avis de Kant sur cette question de la nature et de l'origine du mal. D'une part, il est faux, comme la plupart des théologiens le prétendent, que nous naissions avec des instincts d'une nature essentiellement mauvaise. De l'autre, il n'est pas moins faux, comme quelques philosophes l'ont prétendu, que tous aient droit à un égal développement et que les inconvénients auxquels cet égal développement peut donner lieu soient uniquement la conséquence d'une mauvaise organisation sociale. Il existe entre les divers penchants de notre nature, entre les divers motifs qui sollicitent notre volonté, un ordre de prééminence révélé par la conscience. Les efforts que nous sommes obligés de faire pour tenir dans leurs limites légitimes les instincts inférieurs de notre nature, pour subordonner les motifs de la sensibilité aux motifs suprêmes de la loi morale. Voilà en quoi consiste ce que les théologiens et les moralistes ont appelé la lutte de l'esprit et de la chair. Notre devoir n'est pas d'étouffer et de détruire en nous ces motifs, il est de les mettre à leur place. Laisser prédominer la chair en nous, ou travailler à l'anéantir, sont deux excès de nature opposée qui tous deux ont également de dangereuses conséquences. Entre ces deux excès se trouvent la vérité et la raison. Il y a un milieu entre Siméon le stylite et le pourceau d'Épicure, et c'est dans ce milieu que doit se placer la partie sage et raisonnable de l'espèce humaine. C'est aussi dans ce milieu que la morale et la religion de Kant prescrivent à l'homme de se tenir. Kant entreprend ensuite de prouver, ce qui est plus difficile, que l'Écriture fait dériver, comme lui, le péché, le mal de la liberté de l'homme, et il interprète à sa manière le récit de la chute primitive d'Adam. Cette interprétation n'est pas la seule à laquelle Kant soumette les Écritures pour les ramener à un sens rationaliste et conforme à ses opinions philosophiques. Il tend à transformer tous les mystères en des allégories morales. La doctrine du Verbe fait chair, du Fils de Dieu descendu parmi les hommes, et pour lui la réalisation objective de l'idéal de la moralité et de la sainteté, de l'idéal de l'humanité agréable à Dieu. Puisque cet idéal ne vient pas de nous, il convient de dire qu'il est descendu du ciel en nous, qu'il a choisi son séjour parmi les hommes. Or, cet idéal de l'humanité agréable à Dieu, sous quelle forme peut-on se le mieux représenter que sous la forme d'un homme de condition purement humaine, mais animé de sentiments purement divins prêt à remplir tous les devoirs de l'humanité, à lui servir de leçon et d'exemple, même en dépit des plus puissantes tentations, même auprès des plus affreuses souffrances et de la mort la plus ignominieuse. La Trinité, c'est Dieu envisagé sous trois points de vue divers par rapport à la loi morale, comme législateur moral, comme conservateur moral, comme administrateur moral. C'est avec le même esprit et un principe analogue qu'il interprète le mystère de la rédemption. Parmi ces interprétations, il en est qui ne manque assurément ni d'élévation ni de grandeur morale. Mais sont-elles exactes? Sont-elles la traduction fidèle de la pensée contenue dans les Saintes Écritures? C'est un point sur lequel nous n'attaquerons pas Kant qui, à ce sujet, fait lui-même fort bon marché de toute prétention, comme on peut en juger par la citation suivante, paragraphe 101. Peut-être certains passages de l'écriture ne pourront être ramenés au principe de la morale, c'est-à-dire de la vraie religion, sans que cette interprétation ne paraisse forcée et même ne le soit souvent en effet. Néanmoins, dès qu'un passage est susceptible d'une telle interprétation, il faut la préférer à la lettre morte qui ne renferme absolument rien pour la moralité ou qui est même en opposition avec ses principes. L'homme étant devenu mauvais par le fait de la liberté en vertu de laquelle il a contracté une tendance à subordonner la loi morale à d'autres motifs, comment pourra-t-il retourner du bien au mal ? Comment fera-t-il triompher le bon principe de la domination du mauvais principe sous laquelle il s'est placé? C'est par la force de sa volonté, c'est en rétablissant en lui dans toute son autorité, dans toute sa pureté, sa sainteté la loi morale. À l'homme coupable la conscience prescrit de sortir du mal pour retourner au bien, donc il le peut. Mais cette prescription absolue de s'amender soi-même, d'épurer la maxime fondamentale de sa conduite exige de la part de l'homme de rude sacrifice, une volonté ferme et persévérante, et notre raison paresseuse s'efforce de l'éluder, en s'affranchissant de ses dures nécessités. Elle cherche de toutes parts des appuis et des secours étrangers. Elle évoque à son aide tout un cortège d'idées religieuses impures. Pour se dispenser d'un pénible effort, elle se persuade qu'elle est impuissante, qu'elle ne peut rien sans l'assistance de grâce surnaturelle, et, au lieu de travailler à nous amener par nos propres forces, à réformer nos sentiments et notre vie, nous aimons mieux, ce qui est moins pénible, tendre nos bras vers le ciel, crier Seigneur, Seigneur, et attendre la grâce d'en haut. Que par des mouvements mécaniques des lèvres, que par de vains désirs, par des jeux pieux, en un mot, par des pratiques indifférentes en elles-mêmes pour la moralité, on puisse plaire à Dieu, c'est une croyance populaire contre laquelle Kant, dans tout son livre, ne cesse de protester qu'il flétrit du nom de fétichisme. C'est donc par ses propres forces que l'homme doit se régénérer, sans compter sur d'autres appuis que celui de l'énergie et de la persévérance de sa volonté. Mais comment pourra-t-il se réhabiliter aux yeux de Dieu ? L'homme qui accomplit son devoir ne fait rien de plus que ce qu'il doit, si donc l'homme, régénéré ne fait qu'accomplir ce qu'il doit et rien de plus, qui acquittera pour lui la dette de ses iniquités passées? Ne plus contracter de dettes nouvelles, ce n'est pas acquitter les anciennes. Kant résout ainsi cette difficulté, sans jamais sortir du rationalisme le plus pur. Changer moralement, c'est sortir du mal et entrer dans le bien. C'est dépouiller le vieil homme pour devenir un homme nouveau, et commencer une existence nouvelle. Or, entre le vieil homme et l'homme nouveau, il y a, pour ainsi dire, solution de continuité morale. Le passage du bien au mal, la mort du vieil homme, le crucifiement de la chair, est un sacrifice en soi, c'est le commencement d'une longue série de peines, de souffrances que l'homme régénéré devra supporter pour rompre complètement avec les sentiments, avec les maximes du vieil homme. Mais quoique, sous le rapport physique, l'homme nouveau soit identique avec le vieil homme, et soit toujours aux yeux de Dieu le même coupable, néanmoins sous le rapport moral, il est autre, et comme c'est à cause du vieil homme qu'il subit une peine qu'il ne mérite pas, en tant qu'homme régénéré, en tant qu'homme nouveau, son sacrifice et ses souffrances peuvent ainsi se reporter sur le vieil homme et acquitter les dettes passées. Mais la loi morale prescrit une entière conformité de la conduite avec l'idéal de la sainteté. Or, Combien l'homme régénéré ou même l'homme qui a constamment persévéré dans le bien n'est-il pas loin d'atteindre cet idéal? Sans doute, à ne consulter que l'expérience, il n'est aucun homme dont les actions soient une réalisation complète du divin idéal. Mais Dieu est le scrutateur des cœurs, il ne considère pas seulement les actions, il considère le sentiment, l'intention qui nous anime, et à celui qu'il voit animer des sentiments les plus purs, de l'intention la plus ferme de persévérer dans le bien et de se rapprocher de plus en plus de l'idéal de la sainteté, il tient compte de la fermeté, de la pureté de cette intention, et il ne le juge pas uniquement sur l'insuffisance des actes. C'est ainsi que, selon Kant, l'homme déchu peut se régénérer, c'est ainsi que notre réhabilitation, comme notre déchéance, et notre propre ouvrage, est un produit de notre liberté. Kant résume lui-même admirablement toute cette discussion sur l'origine du mal et sur le retour au bien de l'homme déchu. L'homme porte en soi l'idéal de la perfection humaine, son devoir est de le réaliser, autant qu'il le peut, par la pureté morale de ses sentiments, aussi bien que par ses actions. La sensibilité n'y met point d'obstacle, comme on l'en a si souvent accusé, car la tendance de l'homme au bonheur est légitime, mais elle doit être subordonnée au principe de la moralité. Par une certaine perversité ou méchanceté, peu importe le nom, dont l'homme seul est coupable, il renverse l'ordre moral de la maxime suprême. Il se soumet en esclave aux mauvais principes et devient nécessairement un objet de déplaisir pour la divinité. Mais il ne peut absolument redevenir bon et agréable à Dieu, subjuguer en lui le mauvais principe et trouver la guérison, qu'autant qu'il adopte en entier dans l'intimité de son sentiment, l'idée de la perfection morale. La foi pratique au Fils de Dieu, paragraphe 79. L'homme, après s'être affranchi de la domination du mauvais principe, ne peut persévérer dans le bien qu'à la condition d'être sans cesse armé pour le combat, afin de repousser ses attaques sans cesse renaissantes. Mais si, dans sa lutte contre le mal, il demeure isolé, si, exposé de toutes parts aux séductions et aux tentations de la société au milieu de laquelle il vit, il ne peut, pour les repousser, compter que sur ses propres forces. Il est à craindre que dans cette lutte il ne succombe. En effet, la plupart des tentations auxquelles l'homme est exposé, résultent plutôt de ses liens avec les autres hommes, que de l'imperfection de sa propre nature. C'est dans la société et par la société, telle qu'elle est constituée, que la plupart des passions mauvaises se forment et s'alimentent. Sous le rapport moral, nous sommes encore à l'état de nature divisée, isolée, nous induisant les uns les autres au mal, au lieu de former une ligue contre lui. Selon Kant, il faut sortir de cet état de nature, et travailler à en sortir est un devoir, il faut faire cause commune contre le mal moral, et, par conséquent, constituer une société de telle sorte, que chaque individu y trouve un point d'appui puissant pour vaincre le mal et faire triompher le bien. C'est l'organisation d'une pareille société que Kant appelle la fondation du royaume de Dieu sur la terre, l'établissement de la véritable Église. L'idée d'une société tellement organisée qu'elle forme comme une barrière puissante contre le mal moral, est une grande et magnifique idée qui fait honneur au génie de Kant. De Kant elle a passé à Fichte qui la développe avec amour dans la dernière partie de la Destination de l'homme, et rêve une société tellement constituée que la pensée même du mal sera chassée de l'âme du méchant. Cette idée est aussi l'idée fondamentale de la plupart des socialistes qui ont paru dans le cours du siècle. Tous ont eu pour but la constitution d'une société qui ne laissa plus de prise, où le moins de prise possible soit au mal moral soit au mal physique. Leur but est le même à tous, ils ne diffèrent que par les moyens qu'ils proposent pour l'atteindre. Kant ne s'occupe que du mal moral, et la société qu'il propose pour le combattre n'est aussi qu'une société purement morale ou éthique. Le but unique d'une telle société, c'est de combattre le mal intérieur, c'est de faire triompher le bien en chacun, et de produire le plus grand perfectionnement moral possible. Les lois d'une pareille société ne sont pas des lois coercitives, des lois écrites comme les lois de la société civile et politique, ce sont les lois du devoir et de la vertu. Ces lois n'émanent pas, comme les lois civiles, de la volonté du peuple, car elles ne s'adressent qu'à la moralité pure, car elles ne peuvent être convenablement suivies qu'en vertu de la liberté et non en vertu de la contrainte. Elles émanent d'un législateur invisible dont chacun de nos devoirs est un ordre, d'un législateur qui scrute et sonde les cœurs, qui pénètre dans les replis les plus cachés des intentions et des sentiments de notre âme. Donc, cette société morale conçue par Kant est une république composée de citoyens libres, soumis au commandement de Dieu, et cette république morale, ainsi gouvernée par une législation morale divine, constitue l'idée pure de l'Église invisible et idéale, composée d'hommes de bien, tous soumis à la même loi divine du devoir. L'Église visible et réelle doit être l'image de cette Église invisible et idéale, elle doit représenter le règne de Dieu sur la terre, tel qu'il peut être réalisé par les forces humaines. Or voici quels doivent être les caractères nécessaires et les signes distinctifs de la véritable Église. Elle doit être une et universelle, mais son unité ne porte que sur le point de vue essentiel de la moralité. Pour tout le reste, elle admet en son sein des opinions diverses et variables, donc elle n'engendre ni secte, ni hérésie, elle doit être pure, c'est-à-dire, n'employer pour mobile que des mobiles moraux, elle doit être libre, tous ses membres sont égaux, et toutes leurs relations doivent s'accomplir sous le principe de la liberté. Enfin, elle doit être immuable dans sa constitution fondamentale, en changeant, toutefois, selon les temps et les circonstances, ce qui n'a rapport qu'à son administration. Kant compare cette Église à une réunion domestique, à une famille sous la direction d'un père moral commun, mais invisible. Ainsi, c'est la croyance morale pure, ou la croyance religieuse, qui constitue le fondement et l'essence de la véritable Église, et, hors de cette législation morale pure, originairement écrite dans nos cœurs, il n'y a point de véritable Église, point d'Église universelle. Pourquoi donc cette croyance religieuse n'a-t-elle jamais régné parmi les hommes? Pourquoi ne s'est-elle jamais produite que mêlée à des éléments étrangers qui ne se trouvent point dans la conscience humaine? C'est que, selon Kant, c'est une faiblesse propre de la nature humaine de ne pas apprécier à sa juste valeur la croyance morale pure, et de ne pas la considérer comme suffisante. Les hommes ne peuvent se persuader qu'un effort soutenu pour faire le bien est tout ce que Dieu exige d'eux dans son royaume. Ils ne veulent pas comprendre que s'ils remplissent leurs devoirs envers les hommes, envers eux-mêmes, et envers les autres, ils accomplissent, par le fait même, les commandements divins, ils rendent à Dieu un culte constant. Ils se représentent Dieu comme un grand seigneur, qui veut être honoré par les marques de soumission de ses vassaux, et par des pratiques qui, par là même qu'elles sont insignifiantes en elles-mêmes, semblent dénoncer d'autant mieux une obéissance passive. De là, l'idée d'une religion de culte et d'observance extérieure substituée, ou du moins mêlée à l'idée de la religion morale pure, et comme cette idée, comme les devoirs, les pratiques, les croyances qu'elle comprend ne se trouvent pas au fond de la conscience, il en résulte qu'elle a besoin d'un point d'appui extérieur et d'une autorité qu'elle emprunte à l'histoire, aux faits, aux miracles, à la tradition, aux écritures. C'est en quoi consiste la croyance ecclésiastique ou historique quand opposée à la croyance religieuse pure. Cependant, eu égard à cette faiblesse humaine qu'il vient de signaler, Kant ne condamne point d'une manière absolue un certain alliage de la croyance ecclésiastique avec la croyance religieuse, pourvu que dans la croyance ecclésiastique il n'y ait rien qui aille contre la croyance religieuse, pourvu qu'elle n'en soit qu'un véhicule, pour ainsi dire, et que ses observances, ses pratiques, ces dogmes tendent tous directement à développer et fortifier dans les âmes le sentiment du devoir. Donc la règle suprême de l'interprétation de l'Écriture qui sert de fondement à la croyance ecclésiastique, doit être la croyance morale pure. C'est cette règle que Kant y a lui-même hardiment appliquée, en s'efforçant, comme déjà nous l'avons dit, de ramener tous ces symboles et tous ces mystères à des vérités et à des allégories morales. Toute recherche, tout commentaire sur l'Écriture doit avoir pour but d'y découvrir cet esprit vivifiant, quant à la partie historique, qui ne peut aboutir à un pareil résultat, c'est-à-dire à une leçon et à une excitation morale, Kant la considère comme parfaitement indifférente en soi, et déclare qu'à son égard, chacun peut agir comme bon lui semble. Les religions actuelles et toutes les religions qui, jusqu'à ce jour, ont paru dans le monde, ont donc admis à côté de la croyance religieuse pure, qui est seul le vrai fondement de la religion universelle, une croyance ecclésiastique ou historique. Le passage successif de la croyance ecclésiastique à la souveraineté de la croyance religieuse pure, voilà en quoi consiste le vrai progrès moral et religieux, voilà le signe de l'approche de Dieu. Un jour viendra, selon Kant, et ce jour approche, où l'esprit humain dépouillera toute croyance ecclésiastique et historique. Un jour viendra où la religion rationnelle pure n'ayant plus besoin de cette introduction et de ce véhicule, dominera sur toutes les autres religions. Les enveloppes dans lesquelles l'embryon se forme, grandit et devient homme, doivent être déchirées s'il veut voir la lumière du jour. Les lisières de la tradition sacrée, les amulettes, les statues et les observances qui ont été utiles à l'homme pour un temps, lui devient peu à peu inutile et sont pour lui des chaînes quand il atteint l'âge de la virilité. Tant que le genre humain était un enfant, il avait la prudence d'un enfant et il savait rattacher aux dogmes qui lui avaient été imposés sans son aveu, d'abord une science, puis une philosophie soumise et dévouée à l'Église. Mais maintenant qu'il est devenu homme, il rejette tout ce qui était bon pour l'enfant. La différence humiliante entre les laïcs et les clercs cesse, et leur égalité naît de la véritable liberté, sans anarchie toutefois, car chacun obéit à la loi qu'il se dicte à lui-même et qui doit être aussi par lui considérée comme la volonté du Créateur révélée à son esprit par la raison. Volonté qui réunit tous les hommes d'une manière invisible, sous un gouvernement commun en un même état qui prépare l'Église visible. Kant confirme les résultats de cette discussion philosophique touchant la nature et l'origine du règne de Dieu sur la terre, par un tableau historique, relatif à la fondation et à l'introduction insensible de la véritable Église. Il n'y a eu, à proprement parler, d'Église sur la terre, qu'à partir de l'époque où l'on a reconnu que la croyance ecclésiastique devait être dans la dépendance de la croyance religieuse. Kant fait dater cette époque de l'avènement du christianisme. Il met tout d'abord le judaïsme hors de cause, parce que sa constitution est une constitution plutôt politique que religieuse, parce que Dieu dans ses dogmes, est avant tout un prince temporel, qui s'inquiète plus des actes extérieurs que de la moralité pure des sentiments et des intentions. En opposition au judaïsme, le christianisme s'est produit avec les caractères qui constituent une véritable Église, avec les caractères d'une croyance universelle, sainte, libre, invariable, car son divin fondateur a déclaré, comme chose vaine en soi, la croyance servile aux usages du culte, aux formules consacrées, et il renferme tous les devoirs dans cette règle à la fois générale et particulière. Fait ton devoir sans autre motif que la considération immédiate du devoir lui-même. C'est-à-dire, aime Dieu, législateur de tous les devoirs, par-dessus toute chose. Aime le prochain comme toi-même. Il a prêché que la foi qui se manifeste par la moralité, est la seule foi qui sauve. Il a donc ramené publiquement au sein du peuple juif, la croyance de l'Église à la croyance religieuse pure. Tel a été l'esprit de l'institution première du christianisme. Bientôt à cette croyance religieuse pure, vient s'ajouter une croyance historique qui, dans le principe, devait servir seulement d'introduction et de véhicule à la foi religieuse, pour rallier à la foi nouvelle, par ses propres préjugés, un peuple accoutumé à une croyance fondée sur des faits historiques, mais, par un mauvais penchant de la nature humaine, ce qui n'était qu'une introduction à la vraie religion, est devenu le fondement, l'essence même de cette religion, et l'histoire du christianisme, histoire tragique et sombre, peut s'expliquer tout entière, par la lutte de ces deux éléments, par la lutte de la croyance religieuse pure contre la croyance ecclésiastique, par l'effort des uns pour faire dominer la pure croyance religieuse, par l'effort des autres pour maintenir la croyance ecclésiastique comme fondement de la vraie religion. Quelle est l'époque la moins mauvaise de cette histoire? À quel temps la vraie religion a-t-elle exercé le plus d'empire sur les âmes? Kant s'adresse à lui-même cette question, et il répond que ce temps est celui dans lequel il lui a été donné de vivre, c'est-à-dire la fin du XVIIIe siècle. Il est, sans nul doute encore, grand nombre d'esprits auxquels une telle assertion paraîtra étrange. Mais, que l'on y songe, si la vraie religion consiste dans la croyance religieuse pure, dans la foi morale, dans le sentiment et la pratique de la justice, le XVIIIe siècle n'a-t-il pas des droits à ce glorieux témoignage? En effet, en quel temps du monde un effort plus héroïque a-t-il été tenté, pour faire régner sur la terre la pure croyance religieuse, pour réaliser le divin idéal de la justice au sein des sociétés humaines? En quel temps du monde s'était-on aussi vivement soucié des droits et de la liberté de tous? C'est donc avec raison que Kant a salué ce grand mouvement philosophique de la fin du XVIIIe siècle, comme le plus beau temps de la vraie Église, comme un signe de l'approche du règne de Dieu. La dernière partie de l'ouvrage est consacrée à la question du culte, à la distinction du vrai et du faux culte. Le faux culte est celui qui a la superstition pour principe, le vrai culte, celui qui seul convient à la vraie religion, c'est le culte moral, c'est-à-dire, le culte qui a pour principe la pratique de la moralité, l'accomplissement du devoir. L'unique et vraie religion ne renferme que des lois, c'est-à-dire, des principes pratiques, tels que nous avons conscience directement de leur nécessité absolue, indépendamment de toute tradition et de toute prescription ecclésiastique. Le vrai culte, le culte moral que les fidèles ont à rendre à Dieu, est un culte invisible comme Dieu lui-même, un culte qui a dans notre cœur ses temples, ses autels et son prêtre, ou du moins, un culte dont toutes les pratiques tendent à éveiller et fortifier le sentiment moral. Hors de ce culte moral, il n'y a plus qu'un faux culte, un culte superstitieux et fétichiste, donc en combat les principes avec une éloquence, avec une vigueur de bon sens, qui rappelle la discussion de Socrate contre Typhon. Kant, dans le faux culte, de même que Socrate dans la sainteté entendue au sens du prêtre Typhon, ne voit qu'un art mercantile de donner et de recevoir, de donner peu afin de recevoir beaucoup, une espèce de trafic entre Dieu et l'homme. Ce qu'il y a de plus difficile pour l'homme coupable, c'est la réforme intérieure, la réforme des sentiments et du cœur, et, par tous les moyens possibles, il tâche de s'en dispenser, et il lui cherche de moins pénibles équivalents, dans des pratiques qu'il présume devoir être agréables à Dieu. Il se fait un Dieu à sa façon, un Dieu qu'il espère pouvoir facilement mettre dans ses intérêts, et par une foule de pratiques qui n'ont aucun rapport direct avec la moralité, il s'efforce de lui plaire en lui montrant qu'il est un sujet soumis et dévoué. De là l'origine première des sacrifices, des pèlerinages, des cérémonies solennelles, etc., qui sont regardés comme des moyens d'autant plus puissants de se concilier la bonne grâce de Dieu, qu'il semble témoigner d'une soumission plus illimitée et plus aveugle à sa volonté. Il est pénible, dit Kant, d'être un bon serviteur, car alors on n'entend plus parler que de devoir. L'homme aimerait mieux être un favori, pour lequel on aurait beaucoup d'indulgence, ou qui, même quand il violerait grossièrement la loi du devoir, réparerait ses torts par l'intervention de quelqu'un dont il serait éminemment favorisé, tandis qu'il continuerait à être ce qu'il a toujours été, un serviteur négligent. Il applique à la divinité l'idée qu'il a d'un homme puissant qui distribue des grâces, il espère s'acquitter de tout envers elle par des actes de soumission, et tout obtenir de sa divine faveur. Paragraphe 195. Cette croyance que l'on peut plaire à Dieu par des actes indépendants de la moralité, et qu'on peut attirer sa grâce par d'autres moyens que par une bonne conduite, est le principe du faux culte, la source première de toute superstition. Kant la traite sévèrement. Croire qu'on peut ainsi se concilier la faveur de Dieu par des actes dans lesquels la moralité n'entre pour rien, c'est croire qu'on possède un art de produire, par des moyens naturels, des effets surnaturels, c'est une sorte de croyance à la magie, ou plutôt c'est du fétichisme. Un culte organisé d'après ce principe, un culte dont le fondement consiste en des pratiques, des observances, des cérémonies qui sont supposées pouvoir tenir lieu de moralité, ou du moins pouvoir lui suppléer en une certaine mesure, ce culte, Kant l'appelle un culte de fétiche. Les conséquences d'un tel culte sont le renversement des idées morales, et l'asservissement de la foule enchaînée à ces pratiques prescrites. Toutefois, Kant ne condamne point d'une manière absolue le culte extérieur, quoiqu'il ne croit pas à son indispensable nécessité. Le culte extérieur ne devient mauvais que lorsqu'on y donne pour but ce qui n'est qu'un moyen. Il peut être utile et salutaire lorsqu'il n'est considéré que comme un moyen direct d'éveiller et de fortifier dans les âmes le sentiment de la moralité. Voici quels sont les fondements rationnels d'un pareil culte. Premièrement, la prière. Deuxièmement, la fréquentation de l'église. Troisièmement, le baptême. Quatrièmement, la communion. Mais Kant a bien soin de déterminer le sens particulier et tout rationnel dans lequel il adopte ces quatre manifestations fondamentales du culte extérieur. La prière dont il s'agit ici n'est point cette prière par laquelle chacun sollicite incessamment en sa faveur une perturbation dans l'ordre du monde, une exception aux lois générales de la nature. La prière légitime ne peut raisonnablement consister que dans une certaine forme, dans certaines formules dont on revêt la pensée de faire le bien et de persévérer dans le bien, afin de nous pénétrer davantage de cette pensée. La fréquentation de l'Église, la réunion des assemblées publiques est un devoir pour les fidèles comme citoyens de l'État divin qui doit être représenté sur la terre. À moins toutefois que cette Église ne renferme des symboles idolâtriques et des principes qui répugnent à la conscience. Mais ce serait une erreur de considérer cette fréquentation comme un moyen d'obtenir la grâce, et comme agréable à Dieu par elle-même. Le baptême est aussi une cérémonie sainte, c'est l'adoption dans le sein de l'Église d'un enfant de Dieu, c'est un emblème moral d'une haute portée, mais il n'emporte avec lui aucune grâce directe. Il ne donne par lui-même aucun droit à la faveur divine. Enfin, la communion, sous la forme d'un repas pris en commun à l'exemple et en commémoration du fondateur de l'Église, a quelque chose de grand, quelque chose qui rappelle aux hommes cette fraternité dont elle est un heureux symbole. Toutes ces pratiques sont donc bonnes en ce qu'elles éveillent dans l'homme le sentiment moral, en ce qu'elle le pénètre de l'idée de son devoir et de sa vraie destinée, mais les considérer comme des moyens directs d'évoquer la grâce divine et de la faire descendre miraculeusement sur nos têtes, c'est s'éloigner tout à fait de l'esprit de la vraie religion, c'est tomber dans le fétichisme. Tel doit être le culte extérieur, tel doit être son esprit. Il n'est pas essentiel à la vraie religion qui consiste uniquement dans l'accomplissement du devoir rapporté à sa source divine, il est seulement un moyen qui peut aider l'homme à atteindre sa fin morale. Convertir ce moyen en un but, c'est ouvrir la porte à toutes les superstitions et à toutes les idolâtries. Tels sont les principes fondamentaux de la théorie de Kant sur la religion dans les limites de la raison. Travailler de tous nos efforts à réaliser au-dedans de nous l'idéal de la sainteté qui émane de Dieu lui-même, travailler de tous nos efforts à ne jamais dévier des sentiers de l'honnêteté et de la justice, voilà en quoi consiste, selon Kant, toute la religion, voilà la loi et les prophètes. La vraie religion s'identifie, selon Kant, avec la morale. Selon nous, c'est seulement la pratique de la vraie religion qui s'identifie avec la morale, car la vraie religion, en outre de la morale, contient la métaphysique et doit comprendre une solution, une détermination de la nature de Dieu, de la nature et de la destinée de l'homme et de ses rapports avec Dieu. Mais il est inutile de rappeler ici de nouveau comment cette erreur de Kant tient au principe même de sa métaphysique. Malgré cette erreur que nous avons suffisamment signalée, nous avons pensé que, dans les circonstances présentes, ce livre pourrait être d'une haute utilité morale, et tel est l'unique motif qui nous a déterminés à le publier. C'est toujours une chose bonne et salutaire que de mettre sous les yeux des hommes l'idéal auquel ils doivent conformer leur vie, que de leur rappeler sa divine origine. Or, c'est là précisément le but principal du livre de Kant. Cette règle invariable des actions, cette règle claire pour tous, excepté pour celui qui consent à se laisser aveugler par l'intérêt ou par la passion, nul philosophe moraliste, mieux que Kant, ne l'a mise en évidence, nul, mieux que lui, ne l'a présenté aux hommes dans toute sa pureté et toute sa sainteté. Il a fait plus, il en a démontré la céleste origine, et par là il a déterminé les vrais rapports de la religion avec la morale. Cette règle sainte et absolue, ce n'est pas l'homme qui se l'est donnée à lui-même, elle vient de Dieu, et les devoirs qu'elle nous prescrit sont des ordres divins. Accomplir ses devoirs, c'est donc servir Dieu directement, c'est le servir et l'honorer de la seule manière dont il a voulu être servi et honoré. Toute autre manière de le servir tombe dans l'idolâtrie et le fétichisme. Développer les idées religieuses chez les uns, les rectifier chez les autres, tel peut être, à ce qu'il me semble, le double résultat des principes et de l'esprit de cette théorie de Kant sur les rapports de la religion avec la raison. D'une part, les principes posés par Kant pourront servir à rectifier les idées religieuses chez ceux qui les séparent des idées morales, et tendent à les faire consister dans de vaines pratiques et de vaines formules, absolument insignifiantes en elles-mêmes. De l'autre, ils pourront servir à les faire naître et à les développer chez ceux qui, s'en tenant à la pratique de la morale, laissent de côté toute idée religieuse comme plus ou moins entachée de superstition, parce qu'ils ignorent le lien qui unit la morale et la religion, parce qu'ils ne savent pas qu'accomplir un devoir, c'est accomplir un ordre divin et par conséquent servir Dieu. Enfin, s'il est toujours utile de rappeler à l'homme l'idée du devoir est la source divine d'où elle émane, l'idée de la liberté, de l'indépendance et des droits de la raison est une autre idée qu'il n'est pas encore, peut-être, inutile de travailler à faire pénétrer davantage dans les esprits pour élever la France intellectuelle et philosophique au niveau de l'Allemagne, pour la préserver à tout jamais du sort intellectuel de l'Italie ou de l'Espagne. Or, cette idée, à côté de l'idée du devoir, domine dans tout l'ouvrage, comme elle domine dans toute la morale et dans toute la métaphysique de Kant. Si nul philosophe n'a porté plus haut que lui l'idée du devoir, nul philosophe non plus n'a porté plus haut l'idée corrélative de la liberté et du droit, l'idée des droits de l'homme et de la raison. En métaphysique, il réclame hautement le droit de la raison pure à tout juger, à tout discuter, et proteste contre toute intervention de l'autorité et de la force dans ses libres développements, et jusque dans ses plus grands écarts. Dans la religion et dans le culte, il rejette bien loin, en vertu du même principe, tout ce qui lui semble contraire à la raison et à la dignité de l'homme. Toute croyance imposée par l'autorité, il la déclare une croyance servile et mercenaire, et nulle croyance pour lui n'a de valeur morale que tant qu'elle est librement acceptée par la raison. Ces deux idées du devoir et de la liberté, il faut les élever au-dessus de toute discussion, il faut les enfermer dans une arche sainte. Qu'autour de cette arche sainte tous les hommes, dont le cœur est élevé, viennent se rallier pour former, suivant le vœu de Kant, un vrai peuple de Dieu, ardents ou bonnes œuvres. Qu'ils s'unissent d'abord au sein de cette foi morale, en attendant le jour où ils pourront s'unir au sein d'une foi plus vaste, embrassant toutes les questions que la métaphysique sceptique de Kant n'a pu réussir à retrancher de la philosophie et de la religion, parce qu'elles sont au fond de toutes les intelligences humaines.